Chapitre 4. Mama Lucia. La femme de Gaffarelli, Mama Lucia, s'était approchée de son mari et de Raphaël, quand la conversation venait à peine de commencer. Elle reconnut le grand peintre, et un souvenir, dont les soucis de ménage avaient fini par affaiblir la vivacité, se réveilla tout à coup en elle à la vue du glorieux artiste qu'elle avait tant aimé, sans que rien eût jamais trahi une passion toujours obstinément gardée au fond de son âme. Mama Lucia était une de ces Italiennes du XVIe siècle qui se laissaient aisément aller à une passion étrange pour des hommes grands par le génie et qu'elle connaissait à peine pour les avoir vus une fois. Jeune fille, quelque temps avant son mariage, la mère de Stella s'était éprise d'amour pour le peintre que Lazare lui fit voir un jour à Sienne, sa patrie, dans la sacristie peinte par l'élève du vieux Pérugin en l'honneur du pape Pie II. Depuis ce moment dont le charme fut si grand et si soudain, Mama Lucia, devenue la femme de Gaffarelli, avait introduit dans un coin retiré de son cœur une image divine, celle d'une des saintes femmes qui, née du pinceau de Raphaël, figurait dans les fresques de la sacristie de Sienne. L'impression de cette femme fut si profondément empreinte dans son âme que Stella, en venant au jour, aura pu être prise pour une des plus délicieuses créations du grand peintre, se détachant du mur où celui-ci l'avait placée avec son nimbe d'or, pour venir, enfant, jeune fille, femme, vivre d'une vie réelle, sous le regard enchanté de ses parents. Ces mystérieuses associations de l'art et de la maternité ne sont pas rares dans les pays où la peinture et la sculpture ont multiplié leurs chefs-d'œuvre. Stella était une des filles de l'imagination de Raphaël, et l'impression qu'il reçut avait été, sans qu'il s'en doutât, préparée par son génie lui-même. La signora Gaffarelli n'était pas encore assez résignée pour admettre que sur ses traits, naguère encore si purs, sur sa taille, naguère encore si fine et si dégagée, le temps avait imprimé quelques traces désastreuses. L'idée de poser comme modèle devant Raphaël, devant ce peintre qui avait été pour son cœur l'objet d'un culte secret, s'empara vivement d'elle en écoutant les paroles de l'artiste, et à l'instant où son mari, faiblement ébranlé, allait formuler, en des termes moins sévères, un nouveau refus, la boulangère, faisant au peintre ses plus gracieuses mines, dit « Notre fille est trop jeune encore pour servir de modèle. Vous comprenez, Seigneur Raphaël. Elle a 16 ans, votre fille. C'est l'âge de toutes les déesses de l'Olympe, répond Raphaël. Mais, poursuit Mama Lucia, qui se cramponnait avec une ardeur singulière à une idée qu'elle avait caressée longtemps dans son imagination, si moi, qui suis blonde comme Stella, avec la permission de mon mari, je devenais votre modèle, cela ne pourrait-il pas se faire ? » Raphaël était loin de s'attendre à une pareille proposition. Il n'avait vu qu'une vieille femme dans l'épouse du Fornaro. Il resta donc un peu déconcerté. Mais la crainte d'avoir contre lui une mère qu'il tenait à mettre dans ses intérêts le remit bientôt et lui dit, avec une civilité exquise, « Ah, madame, je trouverai difficilement dans Rome un modèle qui vous valût. C'est une ville qui n'est pas bonne aux artistes de conscience comme moi. Seulement, vous avez quelques années de plus que la signora Stella. Quoi qu'en vous voyant côté, on dirait 2 sœurs. Mais c'est la sœur cadette qu'il me faut pour Galatée. Vous êtes le midi, je le peindrai plus tard. En ce moment, j'ai à peindre l'aurore. » La proposition de sa femme avait fait éclore un autre sentiment dans l'âme du Fornaro. « Comment ? » s'écria Gaffarelli, dont l'œil s'alluma d'un peu de jalousie. « Tu veux servir de modèle, toi, une respectable mère de... »« Pourquoi pas ?» s'écria sa femme en écartant légèrement le fichu qui cachait la blancheur mate de son cou d'ivoire. « Est-ce que tu as vu les peintures de la sacristie du Dôme à Sienne ? Est-ce que tu sais bien, toi, ce que c'est qu'un tableau ?»« Conte commun, ma bonne femme, les peintures de la sacristie de Sienne avec ce que le Seigneur Raphaël nous demande. »« Je ne te l'ai jamais dit. Je suis né à Sienne, presque dans l'église. » J'étais la jeune fille d'un chantre de la cathédrale. Enfant, bien jeune, ne sachant encore rien de la vie, je voyais le grand Raphaël, presque enfant lui aussi, couvrir de figures divines les murs d'une sacristie où, chaque dimanche, j'allais chercher mon père à l'issue des offices. C'était un paradis pour moi que cette sacristie. Et se tournant vers Raphaël, elle dit d'un accent pénétrant. « Oui, monsieur, vous ne le savez peut-être pas, vous autres, mais c'est ainsi. » Vos peintures étaient pour moi un véritable paradis. Il me semblait que tout ce que vous peignez si bien parlait, me regardait, me souriait. J'avais des extases. Un jour, vous vînes voir vos figures. On disait autour de moi « Ce beau jeune homme a l'air si distingué, c'est Raphaël, le nom d'un ange du ciel. » J'écoutais, ravi, tous les éloges qu'on faisait du peintre et des peintures. Il me semblait qu'une part de cette gloire devait me revenir. Et depuis, le souvenir de cette journée heureuse a toujours été présent à ma pensée. Cela a embaumé toute ma vie. Votre Galatée aura quelques années de plus seulement. Stella est trop jeune. « Oh, mon Dieu !» s'écria Raphaël, étonné et confus à la fois des sentiments qu'exprimait cette femme. « Si votre fille n'était pas plus belle, plus jeune encore que la Galatée de mes rêves, je vous prendrai par la main et je vous conduirai dans mon atelier. Mais ce sera pour plus tard, je vous le promets. » Pendant cet échange de paroles, le Fornaro se promenait de long en large dans sa boutique. Son front se plissait soucieux et il paraissait chercher avec inquiétude les moyens de sortir de cette étrange position. « Comment ? » demanda-t-il enfin. « Se rhabiller, votre Galatée ?» Raphaël n'avait pas, à ce qu'il paraît, prévu cette question, car à la brusque interpellation du boulanger, il garda quelque temps le silence. « Voyons, » ajoute Gaffarelli, déjà triomphant, « quel costume donnerez-vous à Galatée ?»« Elle aura une écharpe et... »« Une écharpe !» interrompit violemment le Fornaro. « Une écharpe, et voilà tout !»« Mais votre femme, seigneur Fornaro, qui s'entend si bien en peinture, connaît sans doute la toilette assez succincte des déesses de l'Olympe grec. Elle sait qu'il y a des usages que nous ne pouvons pas violer. » Une intervention inattendue brisa tout à coup cet entretien. La présence de Stella agit en sens inverse sur Raphaël et sur Gaffarelli. Elle accrut le désir que notre peintre avait de prendre la jeune fille du Fornaro, la Fornarina, pour le modèle de sa Galatée. C'était bien la femme qu'il avait rêvée avec cette divine et gracieuse coquetterie. Il ne pouvait détacher ses yeux de son éblouissante chevelure d'or, et dans ce regard, on eût déjà pu lire toute l'ardeur d'une passion profonde. Mais d'un autre côté, à la vue de cet enfant si chastement élevé, le boulanger sentait se raidir en lui cette inflexible volonté qui le portait à rejeter la demande du peintre. Celui-ci ne le comprit que trop au nuage qui descendit sur le front de Gaffarelli, dont il sembla dès ce moment qu'il serait bien difficile de vaincre l'obstination si peu artistique. Un parti aussi rigoureux coûtait cependant à Gaffarelli. Il mettait dans l'affection que lui inspirait sa fille autant d'ivresse paternelle que de vanité. Moins enthousiaste que sa femme, il se reprochait pourtant de frustrer ainsi Stella d'une gloire dont toutes les jeunes romaines auraient été jalouses. Quant à Raphaël, inquiet et troublé, il se voyait placé entre un père que les exigences d'un atelier païen effarouchaient, et une mère qui rêvait pour elle-même la place assignée à Stella dans son tableau par l'imagination et le cœur de l'artiste également séduit. Comment triompher de ces deux volontés, et surtout de ce vif réveil de coquetterie que la vue du peintre de la sacristie du Dôme avait tout à coup ranimé dans le sein pudique de Mamma Lucia. Cette situation devenait à tout instant plus difficile. Vainement, le peintre avait épuisé toute son éloquence pour en sortir convenablement et contenter tout le monde. Sa tête enflammée se perdait à chercher les moyens à employer pour décider toutes ses obstinations à se laisser vaincre, et son cœur souffrait cruellement des retards apportés à ses impatiences. Il sortit, l'âme pleine de tristesse, de cette maison, et reprit lentement le chemin de son atelier. Raphaël ne pouvait cependant se décider à renoncer à l'espoir de faire figurer, dans son triomphe de Galatée, cette jeune enfant dont la merveilleuse beauté le ravissait. Ce n'était plus seulement un légitime caprice d'artiste qu'il voulait satisfaire. Nul autre modèle n'aurait pu mieux que Stella satisfaire et enchanter sa pensée créatrice dans l'œuvre projetée. C'était déjà une raison puissante pour que Raphaël cédât de tous les moyens, afin de vaincre les scrupules d'un Italien dévot et borné, et de tromper les calculs vaniteux d'une femme qui oubliait ses 40 ans. Son époque vint heureusement à son aide au moment où il commençait déjà à désespérer. Et quelle époque fut plus favorable à l'art?